Je rentre dans le rap, je rentre dans le rap. Route score, bâtard sans gloire, bâtard sans gloire, bâtard sans gloire. Rentre dans le rap comme nulle part ailleurs. Je me fous du hit parade. Les mesures sont disparates. Je connais juste par ardeur. Je kiffe ma race. Dans le rap, j'ai fait une petite balade. Mais créer des big balafres. T'as vu le paradoxe. Gloire à la Dream Team. On tend un gros canular devant l'avocat du diable. Noir à la victime. Aujourd'hui, j'amène du luxe sur mon flow. Demain, je réplique à ceux qui hier cassaient du sucre sur mon dos. Je rentre dans le rap comme dans un quartier rouge. La table des poules, des braves et vous. T'imagines pas comment ça me casse les couilles. Les vampires traînent dans les coins sombres et ils te coupent à la gorge. Les gens qui trayent de l'équation et puis te foutent à la porte. Ça donne des coups de coude, des coups de gourdin. T'as besoin d'un coup de pouce, route sport crew. Un pour tous et tous pour un. Je peux parler fièrement, toujours en finesse, tu vois. Mais le jour où je sortirai du rap, ce sera les pieds devant. Dans le rap, un peu comme dans une garderie. Une curieuse bastard. J'étouffe la prod qui devient bleu, je tape une barre de rire. Mon flow fait le boss, il tient, fait la conquine. Devine avec quelle partie du corps je vais casser la conquille. Ça ne pleure pas parce que la mafia tire. Et parce que j'entre dans le rap comme un gros plaque dans une asiatique. T'es face au pire, mais dis-moi quelle loi t'aimes. T'as qu'un seul choix ici, kiffe, écarte les cuisses et dis-moi quelle doit t'aimes. Je rentre dans le rap comme dans un bunker. Et tout je veux, protège tout que mes coups de gueule atteignent beaucoup de cœur. Je fais très attention aux choix dans ma vie. Je demande à renfer, je prends pas attention, les doigts dans la prise. Un prototype brûlant, honnêtement. Les propos virulents remplaceront bêtement tes autostimulants. Bête de répartition des artistes, mon salaud. Bien répartis dans les parties sont des partitions de cadavres. J'entre dans le rap comme on entre dans le cercle d'une thérapie de groupe. Foutre des branles disant que je suis parti pour. J'entre dans le tas par la grande porte, je te parle de prendre en otage la prod et tout. Péter les rimes coffrées dans une bombe de gaz. J'ai les pieds dans le plat, chez nous les chiens de pâte. Je suis vraiment plus le même gars depuis que j'ai mis de la bière dans nos plates. Viens dans nos caps, on est bien que dans nos baskets. Si tu vois des loups en nous, c'est qu'on a peut-être rien dans nos assiettes. J'entre dans le rock, comme un roi dans l'arène en bas de Gladiator. Cuir, jeans, basket et réparation Aviator. Sur la vie de ma mère, sur le ring en challenge. Comme Arvin Aglaire, j'entre dans le rap comme d'autres entrent une phalange. D'autres se rentrent le doigt. Je veux pas faire un gros lourd dans un gant de velours. Un emplâtre sur une jambe de bois. J'entre dans le rap pour un score en l'occurrence. Pas de concurrence, mais c'est ton score que j'entreprends le battre. Je rentre dans le rap comme une lame dans un siège Alcantara. Locataire de la cave et rêve de yinche dans l'emballage. Traîne ma carcasse dans les parages, attends la balle de match. Du UCH, dirige l'offensive comme un quarterback. Je rentre dans le rap comme une fusée dans l'espace. En point de mire les stations. Route score, Cap Canaveral. Si on voit la tasse, elle est à base de malt. Pasta la mascarade, man. On veut le sacre à Charlemagne. J'entre dans le rap comme moi pour un multi-récidiviste. Combien de rappeurs quand on rêve me multi-récidivise. Si je divise, si je divise les potes et les putes, pas de chaque concurrent. Depuis que je rappe, mon objectif est de pas de chaque concurrent. On a beau retourner des salles, sache que l'ambiance est à chaque fois ça. Donc j'entre dans le rap comme une éjac facile. La foi seule peut me sauver de finir ancré dans le rap. Comme la gloire, je me fais rare depuis que je suis rentré dans le rap. Je rentre dans le rap comme Arnold dans un commissariat. J'en oublie les putes tout comme ce que m'a promis Zaya. Y'a l'album qui arrive en mode poids lourd comme à l'ancienne. Ça donne gratis, puissance de frappe comme à l'ancienne. Début de cuite royale, on voulait faire partie de l'élite suisse, délit de lutte. Alors j'ai opté pour un délit de fuite loyale. Le souffle de l'explosion provoque une chier de vent. Je rentre dans le rap comme j'en sortirai les pieds devant. Je rentre dans le rap comme un Boeing dans une tour, papy. Comme le vibromasseur qui fait gémir la bourgeoisie. Des fois vulgaire et très souvent sans courtoisie. Je rentre dans le pleura comme DSK dans un gros boule moisi. Bâtard sans gloire, l'album que des tas de gens attendent. Rentre dans les bacs, ça fait un peu comme une balle dans la tempe. Je rentre dans le rap et c'est comme papa dans maman. Une logique imparable et finir en palpant de l'argent. Quand je marque mon territoire de mon timbre vocal, ça sent le danger. Et ma voix est irrévocable, rien à miser. Allez-y, retirez vos cartes. Il n'y a que le diable et ses avocats qui restent irréprochables. Les écrits restent et les paroles ne valent pas le poids des actes. Valent-ils être en guise de soldats? J'ai fait le choix des armes. J'oublie pas mes premiers pas comme mon entrée dans le rap. J'y laisserai bien plus que deux dates ancrées dans le marbre. Je rentre dans le rap comme un poids lourd sur la balance. Que tous tes buts qui se pensaient d'art se foutent à poil pour la phalange. Un bootstrap pour autre score, on fait du rap, stopper les glocks. Divers pour la patate, passard pour rap, ôter les glocks. J'ai glorious comme mes frères. Qui aurait qu'on cognait sec. Que ses pouces fassent les fiers, mais pris pour ne pas que mon collier cède. Je vois que des bras cassés et j'ai tardi mes tabous. Nous on rentre dans la passée comme quand on fait queen et ta bouffe. rentre dans le rap par l'issue de secours. Dans mon ventre, la hargne de mes lettres qui insulte Zemmour. Laisse-moi, j'avance pour ne pas perdre l'équilibre. Et je prendrai des vacances quand les vendus seront inéligibles. J'aiguise mes armes sans attendre que mes ennemis défaillent. M'accroche au bon wagon pour éviter que mon train de vie déraille. Là où on taille, on n'a pas besoin de doute. Le souci du détail, la bave acide en bain de bouche.